Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'Organisation internationale du travail, parce que j'ai trouvé dans un magazine syndical un article qui parle des violences et harcèlements dans le monde du travail et qui parle forcément de l'OIT. Ça concerne aussi l'Organisation internationale du travail. Paradoxalement, l'Organisation internationale du travail, OIT, ne possède pas dans son cursus juridique d'instruments concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail. J'ajouterais que, de toute façon, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, ce n'est pas forcément le harcèlement sexuel qui est le plus fréquent dans le monde du travail, c'est surtout le harcèlement tout court, le harcèlement moral, etc. On en parle peu, mais malgré les lois, malgré toutes les mesures qui ont été prises depuis un certain nombre d'années, on est encore avec beaucoup de violences dans le travail, beaucoup de personnes qui sont victimes de harcèlement moral au travail, et ça se termine souvent par le licenciement de la personne, en particulier pour inaptitude. On pourrait citer des dizaines de cas. Donc la lacune d'avoir un instrument juridique au niveau de l'OIT devrait être comblée en 2019 lors de la Conférence internationale du travail qui fêtera le centenaire de l'organisation. L'OIT a été créée il y a 100 ans, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et puis ça, c'était nécessaire quand même pour que les gens puissent travailler dans la dignité. Il y a encore beaucoup de pays qui ne font pas partie, qui n'ont pas ratifié les conventions de l'OIT. Puis même ceux qui les ont ratifiées, ces conventions, pour autant, ils ne les appliquent pas forcément dans leur pays. La conférence annuelle, ou bisannuelle, est souvent l'occasion d'adoption de nouvelles normes du travail. Convention accompagnée d'une recommandation ou recommandation seulement. Le processus est le même pour les suppressions. Outre le vote du budget, une année sur deux, comme en 2018, les délégations peuvent également voter des résolutions. Les conventions, les recommandations, les accompagnants font en général l'objet d'une double discussion permettant aux partenaires sociaux des États membres de se pencher sur les réflexions du contenu initial, puis sur le texte issu de la première discussion. Concernant l'adoption d'une convention sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, outre qu'elle comblerait un vide qui saute aux yeux dans le contexte actuel, les conclusions à l'issue de cette première discussion ont été adoptées à une très large majorité. Donc on peut penser quand même que ceux qui adoptent, les représentants, comme là la France a un représentant qui est une ancienne syndicaliste, justement ces États, ces nations, qu'à partir du moment où ils ont voté, le représentant a voté une résolution, on peut penser que ça va arriver en droit interne dans le pays. Donc, concernant plus particulièrement l'adoption d'une convention sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, outre qu'elle comblera un vide qui saute aux yeux dans le contexte actuel, les conclusions à l'issue de cette première discussion ont été adoptées à une très large majorité. Sur la forme, la quasi-unanimité se dessine par une convention complétée d'une recommandation. Un tel consensus dès la première discussion est suffisamment remarquable pour être souligné. Le groupe des travailleurs, celui des employeurs, ainsi que la quasi-totalité des États présents, n'ont mis aucune objection à l'adoption de cet instrument en 2019. Bien sûr, le diable se situant toujours dans les détails, quelques voix discordantes pourront, in fine, marquer. Mais cela ne devrait pas changer l'essentiel. La délégation française, deux représentants gouvernementaux, un employeur et un travailleur, a soutenu à ce stade l'inscription de ce sujet lors de la conférence du centenaire en 2019. Elle devrait, selon toute vraisemblance, voter en faveur du texte final de la convention de la recommandation. Un grand nombre de gouvernements confirmeront leur point de vue initial lors de la seconde discussion et surtout se donneront les moyens de ratifier cette convention qui, comme tous les traités, ne valent que par la ratification par le pouvoir législatif. Du pays concerné, bien sûr. C'est ce que je disais à l'instant, on ne peut pas faire autrement. Les partenaires sociaux dans chacun des pays feront pression en ce sens. Avant, il faudra surmonter les discussions sur les définitions qui paraissent a priori aussi simples que celles de violence, de harcèlement du monde du travail. Par exemple, la première discussion de cette année a mis en train sur les bons rails et le progrès sans difficulté apparente. Comme l'a dit le directeur général du travail, le problème est tellement gros que nous ne pouvons pas échouer. Cette discussion va de l'extérieur de l'organisation, vue de l'extérieur de l'organisation, pardon, a un peu éclipsé toutes les autres. La deuxième discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme relative à la déclaration sur la justice sociale de 2008, ou encore l'initiative de l'OIT sur les femmes au travail, qui s'intégrera pleinement dans la discussion en cours sur le bilan de, je cite, de l'initiative sur l'avenir du travail. Rendez-vous donc en 2019 pour l'adoption d'une grande convention dont tous les États devraient normalement se faire un honneur de la ratifier rapidement. Bon, et bien sûr, hein, ce qu'on dit, c'est qu'une résolution de l'Organisation internationale du travail oblige en quelque sorte les membres qui font partie de cette OIT, c'est-à-dire la plupart des nations à travers le monde, mais bien sûr, rien ne les oblige à faire passer ça en droit en droit constitutionnel en quelque sorte au niveau des États. Voilà ce qu'il fallait dire. Enfin, on va peut-être dans le bon sens, il faut l'espérer pour 2019, parce que c'est vrai qu'en France, il y a une loi sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, qui est très mal appliquée, entre parenthèses, hein, puisque c'est quand même aux salariés, la plupart du temps, de prouver qu'il est harcelé, de prouver, d'amener des preuves sur le harcèlement qu'il subit, la violence au travail qu'il subit, tout simplement la souffrance au travail. Il n'empêche que à partir du moment où il y a quand même un texte, une loi qui est votée, ben cette loi, on peut s'appuyer dessus quand même pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.